بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه مجلسنا الثالث إن شاء الله حول رسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، معنى الطاغوت. Donc nous sommes à la troisième assise, bi'idhnillah azza wa jal, autour de cette épître de son éminence, Cheikh l'Islam, Mohamed ibn Abdelwahab, rahmatullahi alayhi, avec l'interprétation de Cheikh al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala, wa matta'abih. Wa waqafna inda qawli al-musannif, rahimahullahu ta'ala, wa tawaghitu kathiratun wa ru'usuhum khamsa. Nous sommes arrêtés à ce chapitre. Tawaghit sont nombreux, et à leur tête, il y a cinq. À la tête de ces tawarites, il y en a cinq. Et Tarot, nous avons vu que tout ce qui a dépassé sa limite, et tout ce qui est que les gens adorent et qu'ils agréent l'adoration de ces gens-là, ou là, ils demandent aux gens de les adorer. Fayaqulu rahimahullah, hafidhahullah ta'ala, Cheikh al-Fawzan, at-tawarites kathira, fa kullu man kharaja an ta'atillah, فهو طاغوت وهذا لا حصر له ولكن رؤوس الطواغيت هم هؤلاء الخمسة. Il dit, حفظ الله تعالى الشيخ الفوزان, les tawaghit sont nombreux. Tous ceux qui sont sortis de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'obéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des tawaghit. Mais tawaghit n'a pas de limite. Mais les cinq qui sont cités ici, ce sont la tête de tawaghit. والأول يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله. والدليل قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. Et le premier dit شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه la tête de ces tawaghit, c'est الشيطان qui appelle à adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve, les dons versés dans sourate Yasin, je vous ai ordonné, ne vous ai pas ordonné, ô descendants d'Adam, de ne pas adorer Shaitan, car il est votre ennemi clair. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à la descendance d'Adam de ne pas adorer Shaitan, car ce que c'est un ennemi éclair pour à la descendance d'Adam. فيقول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى الأول الشيطان لأن أصل الطواغيت هو الشيطان ومثله طواغيت الإنس شياطين الإنس الذين يحسنون للناس عبادة غير الله ويسمونها بأسماء خادعة يسوغون للناس الذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله ودعاء الموتى يسوغون هذا ويسمونه بأسماء يخدعون الناس بها هؤلاء طواغيت. Il dit, حفظه الله تعالى, les paroles sont à son éminent Cheikh Fawzan, حفظه الله تعالى. Il dit le premier, c'est-à-dire le premier à la tête de ces طواغيت, c'est الشيطان, qui est l'origine. الشيطان est l'origine de tous les طواغيت. Et il dit l'exemple de Shaitan, c'est l'exemple des humains, les diables des humains et certains des humains qui embellissent l'adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala aux gens. Ils appellent cette adoration, ils donnent un autre nom à cette adoration pour trahir les gens et pour induire les gens en erreur. Ils lui donnent des beaux noms. Ah, ils leur permettent le fait de égorger pour autre qu'Allah. Le fait de faire des vœux pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de chercher secours chez autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de demander aux morts. Et ils leur permettent aussi, tout ça ils leur permettent. Et ils appellent ça avec des noms pour trahir les gens et pour les induire en erreur. Et ceux-là ce sont des tawarit. Ceux qui y agissent ainsi, ce sont des tawarit. يقول وعبادة الشيطان تكون بطاعته فمن أطاعه فقد عبده على اختلاف أنواع هذه العبادات منها ما لا يصل إلى حد الكفر والشرك ومنها ما هو دونها بحسب طاعة الشيطان. Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, et les paroles sont à Cheikh Fawzan, et l'adoration de Shaitan, c'est le fait de lui obéir. Celui qui a obéi à Shaitan, il l'a adoré. Il y a une différence dans ses obéissances à Shaitan. Il y a une différence dans ses formes d'adoration vouées à Shaitan. Il y a certaines formes d'adoration qui amènent à la mécréance directement, qui amènent à l'associationnisme directement, qui amènent au fait de sortir de l'islam. Et il y a d'autres adorations, d'autres obéissances qui ne font pas sortir de l'islam. Mais ce sont quand même des actes qui ont été voués à Shaitan. Yaqul fa kullu al-ma'asi ta'atun lish-shaytan wa ashaddu ash-shirk. Il dit toutes les désobéissances sont une obéissance à Shaitan. Et la pire et la plus dangereuse étant l'associationnisme. Wa yusa'iduhu shayatun al-jinn min ulama' ad-dalal alladhina yad'una an-nasa ila 'ibadati ghayri Allah. Et Shaitan se fait aider par des shayatin, parmi les humains, qui sont les hommes de science de l'égarement et du mal, qui appellent les gens à adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yusammunaha bighayri ash-shirk, yusammunaha tawassulan. Ils appellent les gens à adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ils l'appellent pas l'associationnisme. Ils appellent ça tawassul, c'est-à-dire prendre une intermédiaire entre la personne et Allah subhanahu wa ta'ala. Aw yusammunaha al-mahabbatu lis-salihin. Ou il l'appelle aimer les vertueux. C'est un acte d'adoration voué à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il lui donne le fait, ça ce n'est juste qu'un acte pour aimer les vertueux. Ils induisent les gens dans quoi? Dans l'associationnisme. Ils font sortir les gens de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bi ghayri dhalika min anwa' al-asma' al-khadda'a. Ou il donne d'autres noms, hein, qui sont des noms traîtres, qui vont induire les gens en erreur et qui vont les sortir de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. فَهَاُولَاي مِنْ عَوَانِ الشَّيْطَانِ. Et ceux-là, ce sont les lieutenants, les aides, dit le shaytan. اللَّهُ أَخْبَرَ أَنَّ الْجِنَّ لَهُمْ شَيَاطِينَ وَأَنَّ الْإِنسَ لَهُمْ شَيَاطِينَ شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous a annoncé que le djinn, ils ont des shayatines. Et que les humains aussi, ils ont des shayatines. Il est dit dans le verset, les shayatines des humains et des génies qui révèlent les uns aux autres certaines belles paroles pour les attraper, pour les induire en erreur. Yusa'idun ala idlal bani Adam. هذا هو النوع الأول من الطواغيت. Tout ça aide à quoi? À égarer la descendance d'Adam. Et ça, c'est la première catégorie de tawaghit, et c'est celle qui vient à la tête. Ah, الشيطان. الشيطان ومن سار في ركاب الشيطان حتى ولو قال الإنسان أنا ما أعبد الشيطان. Donc à la tête des tawaghit, c'est الشيطان, et ceux qui sont sur le même chemin, hein, du shaitan. Même si l'être humain, il dit, moi je n'adore pas shaitan. Yaqulu shaykh Hafidhahullah, naqulu idha ata'tahu wa qattalahu faqad 'abadta shi'ta am abayt. Et shaykh doit répondre à ceux-là qui disent, moi j'adore pas shaitan, il leur dit tout simplement, si tu lui obéis, si tu te soumets à lui, tu l'as adoré, que tu le veuilles ou non. Tu lui as obéi, tu t'es soumis à lui, tu l'as adoré, que tu le veuilles ou non. الذي لا يعبد الشيطان هو الذي يخالفه ويعصيه. Il dit حفظه الله تعالى, celui qui n'adore pas Shaitan, c'est celui qui se met, qui désobéit à Shaitan et qui se met dans des positions qui sont en divergence avec Shaitan. هذا هو الذي لا يعبد الشيطان. C'est celui-là qui n'adore pas Shaitan. لكن قد تكون عبادة الشيطان تصل إلى الكفر المخرج من الملة وتكون دون ذلك ولكنها كلها طاعة للشيطان. Et il dit, Abdallah Ta'ala, mais ça se peut que l'adoration de Shaitan soit du domaine, hein, de l'adoration qui va sortir complètement de l'islam, qui va faire de la personne qu'il devient mécréant. Ou ça peut être autre chose, ça peut être aussi une désobéissance qui ne fait pas sortir de l'islam. Mais n'importe comment le fait, cette obéissance à Shaitan, ça peut être tout simplement du domaine de la désobéissance et des péchés, hein, qui ne font pas sortir de l'islam. يقول الثاني أي الطاغوت الثاني يقول شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمة الله عليه الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى. Le deuxième طاغوت cité par شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمة الله عليه c'est le juge injuste qui change les lois d'Allah, qui change les lois d'Allah. يقول الثاني من حكم بغير ما أنزل الله هذا يعم كل من حكم بغير ما أنزل الله بين الناس في الخصومات والمنازعات حكم بينهم بالقانون أو بعوائد البدو والسلوم التي عليها البدو والقبائل وأعرض عن كتاب الله هذا هو الطاغوت يحكمون بغير ما أنزل الله ويدعون أن هذا من الإصلاح والتوفيق بين الناس هذا كذب الإصلاح لا يكون إلا بكتاب الله والتوفيق بين الناس والمؤمنين لا يكون إلا بكتاب الله عز وجل et Cheikh l'Islam Mohamed Abdel Wahab رحمة الله عليه il dit le deuxième tagout c'est celui qui juge avec autre que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu il a dit ça englobe c'est général pour tout un chacun qui juge avec autre que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les litiges qu'il y a entre les gens et dans les disputes qu'il y a entre les gens. Il juge avec les lois inventées par l'homme ou il juge avec les coutumes qui gèrent les tribus hein, et qui gèrent les nomades et ainsi de suite. Hein, et il donne le dos, il se détourne du livre d'Allah. Il dit ça, c'est un tarot. Car il juge avec autre chose que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu. Ils prétendent qu'ils veulent créer le bien entre les gens, la fraternité entre les gens, faire le bien entre les gens. Hein? Et ça, c'est un mensonge. Le bien ne serait arrivé qu'à partir du jugement qui sort du livre d'Allah. Et l'alliance entre les gens, la fraternité entre les gens, et la fraternité entre les croyants, ne peut se faire qu'avec le livre d'Allah Azza wa Jal. والدليل يقول الشيخ فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما لو أنهم تابوا إلى الله من التحاكم إلى الطاغوت ها لو أنهم تابوا إلى الله سبحانه وتعالى وجاءوك جاءوا إلى الرسول في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف إذا أصابتهم مصيبة لماذا أصابتهم مصيبة لأنهم تحاكموا إلى غير الله سبحانه وتعالى بما قدمت أيديهم أي تحاكمهم إلى غير بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى فكان أن جاءتهم المصيبة فأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يحلفون يقولون إن أردنا إلا الحسنى ما أردنا إلا الإصلاح ما أردنا إلا التوفيق بين الناس ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم ما تديش فيهم وعظهم خوفهم بالله زجرهم ها زجرهم وخوفهم بالله قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع أي الرسول الذي أرسل لماذا أرسل ليطاع بأمر الله سبحانه وتعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم أي لو أنهم في الوقت الذي تحاكموا إلى الطاغوت جاءوك أي جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وجدوا الله توابا رحيما إذنك الشيخ دون سيتي لفرسي كم خوف لس كنت اللو عغيب لكاتاستخوف parce qu'ils ont fait ici il parle des gens qui ont pris comme juge autre que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont pris comme juge durant la vie du prophète alayhi sallam autre que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit quand il leur est arrivé comment ils font ils vont faire quand la catastrophe leur est arrivée Hein? Et cette catastrophe leur est arrivée, pourquoi? Parce qu'ils l'ont mérité. Parce qu'ils ont pris autre. Ils ont jugé avec autre que les lois d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Hein? Et donc, puisqu'ils ont agi ainsi, la catastrophe est arrivée. Ils sont venus vers le prophète, alayhi salatu wasalam, jurer et faire des serments. Nous avons agi ainsi pour faire le bien, pour remédier entre les gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit d'eux, ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a dans leur cœur. Détourne-toi d'eux, fais-leur peur, fais-leur une grande exhortation, et fais-leur peur. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala de dire, chaque message que nous avons envoyé, c'est pour qu'ils soient obéis avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand ils avaient commis une injustice sur eux-mêmes, c'est-à-dire quand ils avaient jugé, quand ils se sont fait juger par Tarot, ils sont allés chez Tarot se faire juger, c'est à ce moment-là ils sont venus directement. Hein, c'est à ce moment-là ils sont venus directement vers toi. Ils se sont repentis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont venus vers toi. Hein, tu l'aurais, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, s'ils sont venus vers le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam aurait donné le pardon. Il serait repenti d'abord à Allah subhanahu wa ta'ala, et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam aurait fait du dua Allah, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il leur pardonne, car Allah subhanahu wa ta'ala est le pardonneur, il est le clément. Dire s'il serait venu vers le prophète alayhi, après s'être repenti à Allah subhanahu wa ta'ala, serait venu vers le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, pour que le prophète, durant sa vie, pour que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, leur fasse dua. أما بعد موته عليه الصلاة والسلام فلا يذهب إلى قبره. Ah, il a, Cheikh, il attire notre attention. Il dit, mais après la mort du prophète عليه الصلاة والسلام, on ne va pas vers sa tombe. On ne va pas vers sa tombe parce qu'il est mort عليه الصلاة والسلام. الإنسان إذا أذنب يتوب إلى الله ويستغفر في أي مكان والله غفور رحيم. ولا يحتاج إلى أن يذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول المخرفون الآن. Et Cheikh d'attirer notre attention, il dit, mais après la mort du prophète, alayhi salatu wasalam, si quelqu'un, il tombe dans un péché, hein, là où il est, il demande le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il est clément, il est pardonneur. Il n'a pas besoin d'aller vers la tombe du prophète, alayhi salatu wasalam, comme disent ceux qui vivent sur les histoires à dormir debout maintenant. Il dit, إن هذا يدل على أن المذنب يذهب عند القبر ويطلب من الرسول المسامحة ويستغفر عند القبر. هذا كذب. هؤلاء يقولون أن هذا المذنب يذهب إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسامحه وكذا ويستغفر عند القبر. هذا كذب. ديكاسولا Ils disent que celui qui est tombé dans l'erreur et qui a fait l'erreur, qui a péché, il va vers la tombe du prophète alayhi salatu wasalam et il demande à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam de lui pardonner et de l'excuser. Et ça, c'est un mensonge. Ar-Rasoul ma amara an yustaghfara 'inda qabrih. Le prophète n'a pas ordonné qu'on s'excuse, qu'on vienne demander pardon, qu'on vienne s'excuser auprès de sa tombe. ولا الصحابة كانوا يذهبون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفرون كانوا يتوبون إلى الله في كل مكان إلى نوبل كومبانيو رضوان الله عليهم نالي با فيغ لا تومب دو بروفيت عليه الصلاة والسلام بور فيغ لو روبونتير مي لا و إيل سون لا و إيل سو تروف لا يدوموند لو باردون الله سبحانه وتعالى دو لا و إيل سون لا يحتاج إلى أنك تذهب إلى قبره ولكن هذا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم أساءوا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم حيث انصرفوا عن التحاكم إليه فهذه إساءة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فهم يذهبون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويعتذرون عند الرسول صلى الله عليه وسلم بعد التوبة إلى الله عز وجل donc on va pas vers la tombe du prophète عليه الصلاة والسلام pour demander pardon et s'excuser abadan les nobles compagnons ne l'ont pas fait non plus mais Ce qui est relaté dans le verset, ça concerne la situation qui s'est passée alors que le prophète alayhi salam était vivant. Car ces gens-là ont négligé le droit du prophète alayhi salam. Ils ne se sont pas acquittés des droits du prophète alayhi salam. Ils n'ont pas respecté le droit du prophète alayhi salam en ayant pris le jugement d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, C'est mal agir vis-à-vis du prophète, alayhi salatu wasalam. Et dans ces cas-là, ils sont obligés d'aller voir le prophète alayhissalam qui est vivant, de lui, après s'être repenti à Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont obligés d'aller voir le prophète alayhissalam pour lui demander pardon. Hein? فكان هذا فيه مخالفة لله ومخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم تحاكم إلى الطاغوت كان فيه مخالفة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le fait d'avoir pris d'être jugé avec Tagout, ça il y avait une divergence avec Allah et avec le messager عليه الصلاة والسلام. C'est-à-dire ils n'ont pas agi comme il se doit, ils n'ont pas pris comme juge le livre d'Allah et le Rasoul صلى الله عليه وسلم qui était vivant. فالمخالفة في حق الله لها الاستغفار والمخالفة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم يذهبون إليه ويطلبون منه المسامحة والعفو لأنهم أخطأوا في حقه. Et donc, l'erreur qu'on fait vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'on fait? Ils doivent se repentir tout simplement. Et l'erreur qu'ils ont fait vis-à-vis du prophète alayhi salatu wasalam en étant vivant, ils doivent aller vers lui et lui demander le pardon. Hein? Car ils ont fait une erreur vis-à-vis du droit du prophète alayhi salatu wasalam. Et ça, c'était hein, durant sa vie alayhi salatu wasalam. Donc, il n'y a pas de preuve pour les gens qui vont demander à Rasul sallallahu alayhi salam dans sa tombe. Abadan. Hein? Et sache, frère en Allah, Azza wa Jal, dans cette situation d'aller, d'orienter les gens vers aller demander au prophète alayhi salatu wasalam dans sa tombe, les intellectuels la disent. Hein? Ils tordent les intellectuels de certains groupes, disent, orientent les gens et leurs disciples vers le fait d'aller demander à Rasul sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il est dans sa tombe. Hein? عندك نساء إلى يوم الناس هذا من المثقفين ها من يوجهون الناس إلى أن يطلبوا إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. فهذا شيء موجود يقول الشيخ محمد بن عبد رحمة الله عليه الثاني الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى والدليل قوله تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Donc cette deuxième tête de التواغيت qui est le fait, qui est le juge injuste, qui juge, qui change les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, la preuve c'est quoi? La preuve, elle est simple. Il est dans Sourat Nisa. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent que ils ont cru en ce qui t'a été descendu et ce qui est descendu avant toi et ils veulent se faire juger par ta route alors qu'il leur a été ordonné de m'y croire en ta route et Shaitan veut les égarer d'un égarement très loin. فيقول الشيخ الفوزان حفظه الله هذا الدليل على أن من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت في قوله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فالطاغوت قيل هو الشيطان وقيل هو كعب بن الأشرف اليهودي وقيل أنهم الكهان لأن العرب عندهم لكل قبيلة كاهن يحكم بينهم. طاغوت في هذه الآية قيل أنه الشيطان وقيل أنه كعب بن الأشرف اليهودي وقيل أنهم الكهان لأن كان عند كل قبيلة كاهن يحكم فيما بينهم. Et ce verset qu'a cité Cheikh ici dans Sourat Nisa, Cheikh Al-Fawzan, il dit ça, c'est la preuve comme quoi tout un chacun qui juge avec autre que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu, c'est un tarot. Il est pris d'où la preuve? Ils veulent se faire juger par Tagout. Yuriduna an yatahakamu ila Tagout. Tagout, il a été dit ici concernant ce verset, c'est Shaitan. Il a été dit aussi, c'est le juif Ka'b ibn al-Ashraf. Il a été dit aussi, ce sont les devins, ceux qui prétendent connaître l'avenir. Car les Arabes, dans chaque quartier, chaque tribu avait son devin. Et ils le prenaient comme juge pour hein, régler le problème entre eux. At-Talit. الذي حكم بغير ما أنزل الله، والدليل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Le troisième tête dit Al-Tawaghit, c'est celui qui juge avec autre que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve en est, celui qui juge avec autre, avec quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas descendu, ceux-là, ce sont les mécréants. Il dit le Cheikh, فَالْآيَةُ حَكَمَتْ عَلَيْهِ بِالْكُفْرِ وَهَذَا إِذَا تَعَمَّدَ الْحُكْمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ وجعل المحاكم تحكم بغير ما أنزل الله بقوانين وضعية بقوانين وضعية وألغى الشريعة وقصرها على الأحوال الشخصية فقط، وأما المنازعات بين الناس والخصومات فيحكم فيها القانون. يقول هذا كافر. الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى يجي ست سفرسي décrète la mécréance de cette personne qui juge avec autre que le loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ça s'il le fait volontairement, il le fait exprès, volontairement, il juge avec autre, il choisit le fait de juger avec autre que la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il change les tribunaux, hein? Il change les lois d'Allah par les lois inventées par l'homme, et il annule, il met de côté la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait en sorte que la législation ne concerne que les situations personnelles. Hein? Quant aux litiges et aux problèmes qu'il y a entre les gens, ben il prend les lois inventées par l'homme. Il a dit, هذا qui agit ainsi et qui le fait volontairement, c'est un mécréant. Il dit, ويستثنى من ذلك, اسمع الآن, يستثنى من ذلك, أولا, من حكم بغير ما أنزل الله بسبب اجتهاد وأخطأ في اجتهاده وهو أهل للاجتهاد فهذا مأجور ومغفور ومغفور له. يعني يستثنى من هذا الحاكم الذي هو أهل للاجتهاد فاجتهد فأخطأ الحكم فهذا ليس بكافر خلق الإسلام. Et il y a l'exception, il est fait de certaines catégories qui vont pas tomber dans la mécréance. Premièrement, celui qui juge avec autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause de l'effort d'interprétation. Il a fait un effort d'interprétation alors qu'il est digne de l'effort de l'interprétation et qu'il a le droit de faire l'effort de l'interprétation, mais il s'est trompé. Celui-là, il aura la récompense pour son effort d'interprétation et son erreur lui sera pardonnée. Parce que celui-là, il n'a pas jugé volontairement, il n'a pas choisi. Hein? Mais il a fait un effort d'interprétation de la parole d'Allah et de la sunna, il s'est trompé, il est digne, il fait partie de ceux qui ont le droit de faire l'effort d'interprétation. Ben, celui-là, s'il se trompe, on ne sera pas décrété sa mécréance, abadan akhal islam. Son erreur lui sera pardonnée et il sera récompensé pour son effort d'interprétation. Al-Tani, من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أنه مخالف ولكن حكم به لهوى في نفسه أو لطمع في مال أو رشوة وهو يعتقد أنه يجب الحكم بما أنزل الله يعتقد هذا ويعتقد أنه مخالف فهو مذنب وعاص صاحب كبيرة. الثاني هذا حكم بغير ما أنزل الله وتعرف يعرف أن هذا الحكم الذي أصدر مخالف لحكم الله عز وجل لكن حكم به فقط بغى الرشوة أو الهوى ديال النفس ديالو، ها؟ ولكن هو يعتقد أن حكم الله هو الذي يجب، فهذا ليس بكافر، هذا عاصي، هذا وقع في كبيرة من كبائر الذنوب فقط في الإسلام. الثاني، quelqu'un qui est jugé avec autre que la loi d'Allah سبحانه وتعالى، mais il sait qu'il est en divergence dans ces cas-là avec la loi d'Allah. Mais il a jugé avec, suivant ses passions, ou là, volant un gros pot de vin, volant un rishwadi, hein, pour de l'argent. Il l'a fait pour avoir de l'argent. Mais il croit en lui qu'il est obligatoire de juger avec les lois d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Dans ces cas-là, cette personne agissant ainsi, ce gouverneur agissant ainsi, ou ce juge agissant ainsi, il est dans un péché capital, il n'est pas mécréant, akhi l'islam. Et ceci est très important. Yaqul, al-rabi', الذي يدعي علم الغيب من دون الله. والدليل قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. الرابع من الطواغيت من رؤوس الطواغيت هذا الذي يقول بأنه يدعي الغيب، يعلم الغيب، يعلم ما في غد ها ويعلم ما غاب ها. والدليل أنه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، تحت ما يقدر له يعرف الغيب، الغيب لله سبحانه وتعالى. إلى لكاتخيام تد طواغيت هي celui qui prétend connaître la science de l'invisible. Connaître l'invisible en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve, on est ce verset, celui qui connaît l'invisible, c'est Allah et personne d'autre. Dans Sourate Al-Jinn, Allah subhanahu wa ta'ala, il montre clairement la signification du verset, comme quoi le ghaib, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne ne peut le percer. يقول الشيخ الفوزان هؤلاء هم الكهان فهم طواغيت ولا يجوز التحاكم إليهم ولا يجوز الذهاب إليهم وسؤالهم، لأن بعض الناس يذهب إليهم إذا ضاع له شيء ويسألهم عن الذي ضاع له ويسألهم من الذي سحره أو يسألهم عن أهله إذا كانوا غائبين ما حالتهم أو يسألوا عن أمواله الضائعة، فهذا يكفر إذا صدقهم، هذا يكفر إذا صدقهم، لقوله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان لم يصدقهم فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. فمجرد ذهابه إليهم معصية كبيرة، لا تقبل له صلاة 40 يوما، عقوبة له على ذهابه إليهم. هؤلاء الكهان طواغيت، وكانت العرب كما مر تتحاكم إلى الطواغيت، فلا يجوز التحاكم إليهم ولا يجوز الذهاب إليهم ولا يجوز تصديقهم. إيه شيخ الفوزان حفظه الله تعالى en commentaire il dit ceux-là les devins ce sont des tawaghit. Il n'est pas permis de les prendre comme juges puisque les Arabes les prenaient comme juges entre eux. Il n'est pas permis d'aller les voir et de leur poser des questions. Certaines personnes vont voir les devins et ceux qui prétendent connaître l'invisible. Hein, quand ils perdent quelque chose, on leur a volé leur voiture, ou quand ils ont perdu quelque chose, ils vont aller les voir pour leur demander qui a pris la chose, où est leur chose. Ils vont aller le voir pour leur demander qui leur a fait de la sorcellerie. Ils vont aller leur poser des questions sur... Par exemple, ils ont quelqu'un qui s'est absenté et qui a disparu. Ils vont aller le voir pour leur poser des questions où il est et qu'est-ce qu'il en est de lui. Et quand ils perdent de l'argent ou on les vole, ils vont aller le voir pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Celui-là, s'il va aller le voir et il prend comme véridique ce qu'ils ont dit, il a mécru, il est sorti de l'islam, il devient mécréant. Pourquoi? Parce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui va voir un devin et qui prend comme véridique ce que lui a dit le devin, il a mécru en ce qui a été descendu sur Mohammed alayhi salam. Et s'il va les voir, il prend pas comme véridique ce qu'ils lui ont dit, bah ça prie pendant 40 jours, sa prière ne sera pas acceptée de lui. Tout simplement le fait d'aller les voir, il tombe dans un péché capital, et en plus comme châtiment, sa prière n'est pas acceptée pendant 40 jours, l'ayadan billah. يقول الشيخ محمد بن عبد رحمه الله عليه والدليل قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. Et la preuve comme quoi ceux qui prétendent l'invisible ce sont des tawaghit, c'est le verset qui est dans sourate al-jin inna ka Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît l'invisible, personne ne peut percer l'invisible, sauf le messager que Allah subhanahu wa ta'ala agréé. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui fait connaître l'invisible. Hein? Et en plus de ça, il met des anges pour protéger ce messager, alayhi salatu salam. Et c'est ces choses de l'invisible que Allah subhanahu wa ta'ala fait connaître à son messager pour que ce soit un miracle pour lui. Hein? فيقول الشيخ الفوزان حفظه الله: إلا من ارتضى من رسول، سواء كان رسولا من الملائكة أو من البشر، فإن الله قد يطلعه على شيء من الغيب لمصالح العباد، وليكون معجزة للرسول، ويكون مع الرسول رصد من الملائكة، أي جماعة من الملائكة تحفظه. الشيخ الفوزان pour interpréter ce verset, il dit sauf le messager que Allah subhanahu wa ta'ala a créé pour lui donner la, lui faire connaître à quelque chose de l'invisible, que ce soit un messager parmi les anges ou parmi les humains. Allah subhanahu wa ta'ala lui fait connaître quelque chose de l'invisible pour l'intérêt des serviteurs et pour que ce soit un miracle pour lui, ce soit un miracle pour le messager. Et en plus de ça, Allah subhanahu wa ta'ala envoie avec lui des anges pour le protéger. Yaqul wa qala ta'ala wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Il cherche de citer encore d'autres versets qui nous éclairent comme quoi l'invisible est la clé de l'invisible. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a les clés de l'invisible. Nous connaissons les clés de l'invisible. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'il y a dans les déserts. Il sait ce qu'il y a au fin fond des mers. Chaque feuille qui tombe, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait. Chaque grain qui se trouve au fin fond des ténèbres de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala le connaît. Chaque chose qui soit fraîche ou sèche, Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça est écrit dans un livre. Tout ça est écrit fil lawh al-mahfouz. Rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله عنده جل وعلا علم الغيب الخاص والعام. الخاص مفاتيح الغيب هذه لا يعلمها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله. علم الساعة، نزول المطر، ما في الأرحام، ماذا ستكسب غدا، أين ستموت، كل هذه لله سبحانه وتعالى. هذه لا يدري عنه أحد إلا الله عز وجل، هذا في الغيب. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. إلى حفظه الله تعالى الشيخ الفوزان. La science de l'invisible il appartient à Allah سبحانه وتعالى. Et Allah subhanahu wa ta'ala a la science de l'invisible générale et particulière. La particulière, c'est les clés de l'invisible. L'invisible particulier, ce sont les clés de l'invisible qu'on ne connaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun ange ne peut les connaître. Aucun prophète non plus. Et il est dit dans le verset, et Allah subhanahu wa ta'ala, quand est-ce que va arriver l'heure ? Personne ne le sait, il n'y a qu'Allah. Et il fait descendre la pluie, personne ne peut faire descendre la pluie. Et il sait ce qu'il y a dans les matrices. Aucune âme ne sait ce qu'il va gagner demain. Aucune âme ne sait où il va mourir. Tout ça, ces clés de l'invisible, n'appartiennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne les connaît. وعنده مفاتيح الغيب الى الكليد الانفيزيبل نكون الكليد الانفيزيبل كالله سبحانه وتعالى ويعلم ما في البر والبحر هذا العلم العام ويعلم ما في البر والبحر il sait ce qu'il y a sur les terres fermes et sur et dans les fins fonds des mers et ça c'est la science générale وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا علم الله الشامل لكل شيء، ومع علمه بكل شيء كتب هذه الأشياء في اللوح المحفوظ، علمها أولا وأحاط بها ثم كتبها في اللوح المحفوظ. إيه Chaque feuille qui tombe, comme il est dit dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait où est-ce qu'il va tomber et quand est-ce qu'il va tomber. Hein? Chaque grain qu'il y a au fin fond de la terre, dans les ténèbres de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait. Ce qui est frais, ce qui est sec, Allah subhanahu wa ta'ala, il le connaît. Et tout ça, en plus de ça, c'est écrit dans un livre protégé, clair. Et ça, c'est la science générale d'Allah subhanahu wa ta'ala qui englobe tout ce qu'il y a. Et avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout ça. Et avec ça, c'est écrit dans la planche protégée, dans le livre protégé dans le Lawh Mahfoud. Allah subhanahu wa ta'ala la connaît. Hein? Premièrement, il la connaît. Et deuxièmement, il s'est écrit dans le Lawh Mahfoud. Hein? يقول حفظه الله تعالى رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن الوهاب الخامس الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة والدليل قوله تعالى ومن يقل منهم إني إله ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. Et le cinquième tagout, la cinquième tête des tagout, c'est celui, hein, qui se fait adorer en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala, qui est adoré en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala, en acceptant l'adoration qui lui est vouée. La preuve est celui qui dit que je suis l'adorer en dehors d'Allah. Je suis ilah. Dire l'adorer en dehors d'Allah. Celui-là, nous avons le châtiment dans le feu de l'enfer. Hein? Et ainsi, nous, le châtiment des injustes. Hein? Yaqul al-Sheikh al-Fawzan hafidhahullah. Bihada al-Qaid wa huwa radin bil-ibada. Amma alladhi yu'badu min dunillah. Wa huwa ghayru radin. Fahada la yusamma taghutan. يخرج بذلك الملائكة والأنبياء والصالحون أولياء الله الصالحون لا يدخلون في الطواغيت لأنهم لم يرضوا بها لم يرضوا بعبادة الناس لهم بل كانوا ينهون الناس عنها في حياتهم وإنما حصل هذا بعد موتهم وغيبتهم عن الناس الشيخ الفوزان دو دير avec cette condition il accepte il agrée l'adoration des gens que lui voulent les gens. Il dit, quant à quelqu'un qui se fait adorer, alors qu'il ne l'accepte pas, il ne l'agrée pas, il ne le veut pas, celui-là, on ne peut pas l'appeler un tarot. Ce n'est pas un tarot. C'est injuste de l'appeler un tarot. Ainsi, les anges qui ont été adorés en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ils sont dehors. Ce ne sont pas des tawarit, parce qu'ils ne demandent pas aux gens de les adorer. Les prophètes, alayhi salatu wassalam, comme l'Uzair, comme Isa, alayhi salatu wassalam, ils sont adorés en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qu'on va dire d'eux, c'est des tawarit abadan, parce qu'ils n'ont pas demandé aux gens de les adorer. Au contraire, ils ont interdit aux gens de faire un associé à Allah. Ils ont orienté les gens vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Les vertueux, la même chose. Les vertueux, les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les vertueux, ils ne rentrent pas dans le tawarit, parce que diront leur vie, ils orientaient les gens vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce que font les gens autour de leur tombe maintenant, hada il est arrivé une fois qu'ils sont morts. Ils voient qu'ils ont plus rien, ils ne peuvent rien, donc ils n'acceptent pas cette adoration. Ils disent à vous cette adoration. Donc on ne peut pas dire d'eux que ce sont des tawarit. Abadan akhal islam. يقول حفظه الله رحمه الله تعالى والكلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله واعلم أن الإنسان لا يصير مؤمنا بالله إلا بالكفر بالطاغوت إلى حفظه الله رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إيساش que l'être humain ne peut être croyant qu'en étant infidèle à الطاغوت et qu'en mécroyant à الطاغوت. والدليل قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ها؟ والرشد في الآية قبلها هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، والغي هو دين أبي جهل، والعروة الوثقى شهادة أن لا إله إلا الله، وهي متضمنة للنفي والإثبات، تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله تعالى، وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له. Et la preuve comme quoi la personne ne peut être croyant qu'en étant infidèle à Tagut, c'est ce qui est juste après Ayat al-Kursi. Et celui qui me croit, qui est infidèle à Tagut, qui me croit en Tagut et qui croit en Allah, celui-là il s'est attaché, il s'est cramponné à l'once solide qui est forte, qui ne se coupe pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est l'entendant et il est celui qui a la science. Et auparavant, il y a dans le verset qui est arrivé avant celui-là, Ar-Rushd. Ar-Rushd, c'est la religion de Muhammad alayhi salatu salam. Et dans ce même verset, il y a le Ghay. Et le Ghay, c'est la religion d'Abu Jahl. Et l'Urwat al-Wutqa, l'once solide, c'est l'attestation et digne d'être adoré qu'Allah. Cette attestation qui contient la négation et la confirmation. La négation de tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et la confirmation de l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, nier tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et confirmer toutes les adorations tout simplement à Allah subhanahu wa ta'ala sans associer. Il dit le Cheikh al-Fawzan, والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله، تسمى العروة الوثقى وتسمى كلمة التقوى وتسمى كلمة الإخلاص. العروة الوثقى لونس السوليد كي دون الفيرسي سي سكو ديز لي زيكجيجيت سي لا إله إلا الله ني دين دي أدوغيك الله. Il appelle l'once, il est appelé l'once solide, comme il est appelé la parole de la piété, la parole de l'taqwa. Et taqwa, c'est le fait de mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala avec preuve, en ayant peur, en espérant la récompense minallah. Et c'est aussi le fait de s'abstenir de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit avec preuve, en ayant peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la ilaha illallah est appelée aussi la parole de la sincérité. Qu'est-ce qu'il nous est demandé? La ilaha illallah veut dire quoi? Dire qu'il faut accomplir le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là la sincérité. قد تبين الرشد من الغي. ما هو الرشد؟ هو دين محمد عليه الصلاة والسلام. ها قد تبين الرشد من الغي. ها الرشد ها il est clair, il est séparé de l'ghay. Et الرشد c'est la religion de محمد عليه الصلاة والسلام et la religion de tous les prophètes. فالرشد هو دين محمد عليه الصلاة والسلام ودين كل الأنبياء. هذا هو الرشد. الغي دين أبي جهل ودين جميع الكفار. ها اي الرشد دونك سي لا ريليجيون دو تو لي بروفيت عليه الصلاه والسلام سي لا ريليجيون دو محمد عليه الصلاه والسلام سي لو مونوثيزم سي لو فيت دو ريزيرفي لو كولت اكسكلوزيفمون الله سبحانه وتعالى. الغي سي لا ريليجيون دابو جهل اي سي لا ريليجيون دو تو لي ميكريون. ولكن ذكر شهادة أن لا إله إلا الله ها لأنها متضمنة للنفي والإثبات. النفي في قوله لا إله إلا الله والإثبات في قوله إلا الله. Il a cité l'attestation deux fois ici. Pourquoi? Parce qu'il contient la négation et la confirmation. La négation de tout ce qui s'adore en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala et la confirmation de l'adoration exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha, négation. Illa Allah, confirmation. Et c'est la signification du verset qui est passé. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ لَا إِلَهَ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ إِلَّا اللَّهِ تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله تعالى وتثبت جميع أنواع العبادة في الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له. هذا معنى شهادة لا إله إلا الله، أنها تنفي العبادة عما سوى الله وتثبتها لله عز وجل لأنها حق لله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة حق لله سبحانه وتعالى، ليس لأحد فيها استحقاق، ليس من حق أحد أن يعبد غير الله جل في علاه. في la négation de tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu réserves toute forme d'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne voues aucun culte à d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le culte et tous les actes du culte dans ce bas monde doivent être réservés à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Il doit être adoré uniquement, sans associé. Et ça, c'est la signification de la ilaha illallah, qui fait la négation de toute adoration vouée à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui confirme là l'adoration uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'ai créé les génies et les humains que pour m'adorer, pour m'unifier, pour me réserver le culte. L'adoration, c'est le droit d'Allah. Personne ne la mérite qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun, on n'a pas le droit de vouer un culte à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. وانتهينا من معنى الطاغوت بتفسير الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به وانجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خير.